Voici un ninja, comme tous les ninjas. Hélas, celui-là est anorexique. Il est en arrêt devant son bol de riz. Prend un grain, le rejette. Un autre grain, le suce, le jette. Une mouche bourdonne. Il la vise, la manque. Une autre mouche. Hop! Il l'attrape entre ses baguettes. Quel jeu plaisant! Il place la mouche dans le bol. On attrape une autre qu'il place méticuleusement au même endroit. En manque une troisième, essaye encore, devient très habile. Quel beau jeu! Et savez-vous ce qu'il arriva? Le ninja devint très, très habile. Et le riz dans le bol, vraiment immangeable. Thank you.